Il est bel et bien 16h sur France Culture et tout de suite, fête de fin d'année oblige, la méthode scientifique vous propose un banquet des sciences. Il ne vous aura pas échappé qu'une actualité sanitaire a inquiété le monde et la recherche scientifique cette année. Mais tout n'a pas été que coronavirus. C'est la raison pour laquelle notre équipe de choc des chroniqueurs scientifiques s'est transformée en lutin et vous propose une farandole de cadeaux et de découvertes scientifiques, à côté desquelles on aurait pu passer mais qu'il serait fâcheux d'oublier, ou pas, cette émission nous le dira. Au menu donc des glaçons à l'eau chaude, des cercles mystérieux, des couleurs structurelles, une supernova noire, des abeilles, disons, débrouillardes, des îles résistantes et des bonus, encore des bonus. N'en jetez plus, c'est Noël dans la méthode scientifique. Le Noël des découvertes passées à l'as, mais qu'on n'oublie pas, c'est le programme festif du jour. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce copieux programme, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Lascar. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes directeur du pôle digital de notre partenaire Science et Avenir. Avec nous également Mathilde Fontaise. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à Science et Vie. Et Léo Grasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de la chaîne YouTube Dirty Biology. Avant d'entamer nos agapes scientifiques, ne serait-ce pas l'heure des amuse-gueules avec notre chef étoilé à nous? Il s'agit bien évidemment de Natacha Triou, c'est l'heure du Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et parce qu'en 2020, il n'y a pas eu que la Covid-19, je le disais, et de la phosphine aussi sur Vénus, 2020, c'est aussi une année où l'on commence à comprendre l'origine de l'eau sur Terre, Natacha. Oui, une origine qui reste encore mystérieuse. Comme notre planète s'est formée très proche du Soleil, on a longtemps pensé que l'arrivée d'H2O sur la Terre fut un apport tardif. Une équipe française a apporté la preuve du contraire. Selon une étude apparue cet été dans la revue Science, l'eau serait là depuis l'origine de notre planète. Les chercheurs ont estimé très précisément la quantité d'eau présente dans les roches primitives. Alors pour cela, ils se sont intéressés à des météorites de composition similaire à celle de la Terre, les chondrites à enstatite, qui sont entièrement composées de matériaux qui proviennent du système solaire interne. Et surprise, alors qu'on les pensait sèches, ces roches sont en réalité beaucoup plus humides. La Terre possédait, dès l'origine, tous les éléments nécessaires pour créer de l'eau. Selon les chercheurs, ces roches primitives aurait en fait contenu l'équivalent en eau d'au moins 3 fois les océans et peut-être beaucoup plus. En bref, cette année, le CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, a précisé ses plans d'avenir pour le LHC. Et le plus grand accélérateur de particules au monde, enterré sous la frontière franco-suisse et qui a observé le boson de Higgs. Dans 20 ans, le LHC prendra sa retraite. Le CERN a donc affiné sa stratégie européenne pour la physique des particules. Première priorité, construire une usine à boson de Higgs. Et deuxième priorité, c'est la recherche de nouvelles particules. Afin de répondre à ces questions, de quoi est faite la matière noire ou encore où est passée l'antimatière? Le CERN prévoit donc la construction du FCC, le Future Circular Collider, un accélérateur de particules 3 fois plus grand, de 100 km de long. Mais d'ici là, les performances du LHC vont être améliorées pour devenir en 2027 le LHC à haute luminosité. En bref toujours, la mission Juno de la NASA devrait être prolongée jusqu'en 2026. Et lancée en 2011, la sonde orbite autour de Jupiter depuis 2016. On pensait qu'elle ne survivrait pas plus de 18 mois aux radiations de la planète. La mission Juno est un grand succès technique et scientifique. Elle lève le voile sur de nombreux mystères jupitériens. Elle effectue régulièrement des gros plans vertigineux de la géante gazeuse pour en savoir plus sur son atmosphère, sa dynamique, la nature de son cœur, mais aussi sa structure structure interne et sa magnétosphère, cette année, hein, Juno a même détecté des farfadets et des elfes lumineux, hein, d'immenses éclairs qui traversent son atmosphère. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver sur notre fil Twitter @lamethodefc toutes les études et les articles dont on a parlé dans le journal et dans l'émission. Et on poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Une étude parue dans la revue Nature prouve l'universalité des expressions faciales. Nous sommes 7,7 milliards d'êtres humains. Notre visage est doté de 43 muscles, capables de créer des milliers d'expressions différentes. Et pourtant, l'humanité partage 16 expressions faciales dans des situations similaires. Cette étude, menée par les chercheurs de l'université de Berkeley, est la première analyse mondiale de ce type. Ils ont utilisé une IA, des réseaux de neurones profonds, et ils ont examiné 6 millions de vidéos sur YouTube qui proviennent de 144 pays. Célébrer un anniversaire au Brésil, au Kenya ou au Japon, pratiquer des arts martiaux, regarder des feux d'artifice, manifester, enterrer un proche, etc., etc. Les chercheurs ont découvert que dans des milliers de contextes, 16 types d'expressions faciales se produisent systématiquement. Ces 16 expressions se traduisent soit par des sourires, des froncements de sourcils ou par des grimaces. Cette analyse confirme que l'universalisme des expressions traverse les frontières géographiques et culturelles. En bref, une étude parue dans Scientific Reports a daté l'apparition du pavot à opium en Europe. Et on connaît l'histoire de la domestication du blé, on connaît moins celle du pavot, connu pour ses vertus sédatives. Une équipe du CNRS a analysé des restes de graines de pavot sur 11 sites néolithiques qui sont un de grands complexes agricoles d'Europe occidentale. La datation carbone, mais aussi par spectrométrie de masse à accélérateur compact, montre que le pavot est apparu vers 5600 avant notre ère en Italie. Il a peut-être poussé naturellement, et il a été cultivé par les populations locales. Puis très vite, les chercheurs se sont aperçus que le pavot a rapidement été essaimé partout en Europe. Alors si vous souffrez d'insomnie, sachez que nos ancêtres aussi. Et on termine ce journal spécial fait par une rubrique de science improbable tout aussi festive. Natacha, on peut le dire avec des fleurs, vous nous parlez d'une étude parue dans la revue Curtis Botanical Magazine qui décrit la découverte d'une nouvelle espèce d'orchidée. Oui, une orchidée qui est considérée comme l'orchidée la plus laide du monde. Les botanistes ont découvert cette petite fleur à Madagascar et l'ont baptisée Gastrodia anisellus. Alors je vous invite à aller voir les images, c'est une fleur qui ressemble à un sphincter, elle est brune, elle n'a pas de feuilles et elle passe la majeure partie de sa vie sous terre et se nourrit de champignons. Alors on s'attendait à ce qu'elle ait une odeur terrible pour attirer les insectes pollinisateurs, pas du tout. Elle a en fait une odeur assez fraîche d'agrumes selon les botanistes. Donc voilà Antoine, vous savez quoi m'offrir pour Noël. Écoutez, le livreur est en route, joyeux Noël Natacha, merci beaucoup. Merci. On vous retrouve en janvier pour de nouvelles aventures scientifiques. Alors je vais faire un petit tour de table classique, mais on va pas trop se couper l'appétit, on va faire bref. Olivier Lascar, une réaction à ce journal des sciences, un sujet qui vous a parlé un petit peu. Oh bah le joli succès autour de Jupiter, c'est vrai que la mission que racontait Natacha, ça permet d'avoir plein d'informations sur les conditions de création des astres du système solaire, en l'occurrence Jupiter. Là, par exemple, ça permet de raffiner un petit peu la théorie sur la naissance de Jupiter qui aurait été provoquée par la collision avec un corps de la dimension d'Uranus. Une année très riche pour l'astrophysique. Mathilde Fontaise, une réaction à ce journal ? Oui, une réaction par rapport à l'annonce du LHC qui était très attendue. On sait que la découverte du boson de Higgs n'a pas permis d'aller justement vers cette nouvelle physique qui est attendue, puisqu'on sait bien qu'il y a toute une partie de l'univers qu'on comprend pas, l'énergie noire, la matière noire, etc. Et donc cette décision devait être prise cette année, et c'est une décision ambitieuse qui a été prise de favoriser le FCC, un collisionneur de particules énorme. Il y avait d'autres options, des options plus modestes, et c'est cette option là plus radicale et plus coûteuse aussi qui a été privilégiée, et tous les théoriciens du coup vont attendre 20 ans là pour préparer leur théorie et pouvoir les mettre à l'épreuve de ce nouveau collisionneur quand il arrivera enfin. Les physiciens des particules sont dans les starting blocks. Olivier, une réaction? Oui. Peut-être il y avait une expression dans le journal Natacha qui était intéressante, c'est l'usine à bosons. Parce que effectivement au LHC, la probabilité de créer un boson de Higgs, elle est de 1 sur 1 milliard de collisions. Ça donne infime. L'ordre de grandeur, c'est infime. Et d'où la nécessité de ces fameuses usines à bosons, si bien nommées. Les pépinières à bosons, oui. Léo Grasset, une réaction à un des sujets de ce journal ? Oui, bah moi c'est évidemment l'orchidée hein, qui me marque. Ce que je trouve intéressant, c'est en fait il reste beaucoup de plantes à découvrir, mais principalement des plantes dans ce style-là, c'est-à-dire des plantes saprophytes, pas forcément des plantes qui font de la photosynthèse, mais plutôt des petits trucs qu'on trouve dans le sous-bois et qui se nourrissent des autres organismes, des organismes qui pourrissent ou carrément des plantes parasites. Et en fait, je trouve très intéressant l'idée que dans la biodiversité principale qui nous reste à découvrir, en tout cas pour les plantes, c'est de la biodiversité un peu crade, quoi. C'est un peu des trucs qui sont pas très jolis, c'est pas des choses qu'on mettrait chez soi, quoi, mais c'est des orifices, quoi, des sphincters, comme je le décrivais, et je trouve ça chouette, quoi. Eh ben, restez avec nous parce qu'on va continuer dans le crade, justement, avec vous, Olivier, avec vous, Léo Grasset, et on continue avec de la Dirty Biology. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. À nous les découvertes et on commence sur les chapeaux de roue avec vous Léo Grasset. Votre chaîne YouTube Dirty Biology n'aura jamais aussi bien porté que son nom qu'aujourd'hui puisque vous nous arrivez avec une histoire d'abeilles. Alors jusque là tout va bien mais les choses vont vite se corser. Alors avant de rentrer dans le sale, on va peut-être en venir aux questions un petit peu d'ordre général. On va peut-être rappeler d'abord que pour un nid d'abeilles, une ruche, tout est une affaire de survie avant tout. Oui, alors donc on a des abeilles un peu partout dans le monde. Là, l'histoire qui nous intéresse, elle se passe en Asie, au Vietnam. Et en gros, on a les abeilles asiatiques qui sont Apis cerana, qui sont en compétition, ou en tout cas qui sont prédatées par les frelons géants. Et les frelons géants se nourrissent des abeilles asiatiques pour nourrir leurs propres larves. Donc ce que font les frelons géants, c'est qu'ils survolent les ruches et ils découpent les têtes des abeilles asiatiques et puis ils ramènent les cadavres dans leur propre nid. Et c'est donc là... c'est le décor de départ, quoi. Après, donc les frelons, eux, sont rusés, mais les abeilles le sont elles aussi. Donc, depuis des milliers d'années, cette pièce de théâtre se joue, et donc les abeilles asiatiques ont développé tout un tas de défenses comportementales contre les frelons géants. Notamment une qui est assez connue, mais qui est très chouette, c'est qu'en fait, quand il y a un frelon qui envahit une ruche, les abeilles se mettent autour du frelon et puis battent des ailes comme ça très très fort, très vite. Et en fait, elles génèrent de la chaleur avec leur corps, ce qu'on appelle des boules de chaleur, et elles arrivent à tuer les frelons géants en faisant un choc thermique, quoi. Elle le tue par la chaleur. Mais il y a d'autres choses qui ont été mises en place au cours de l'évolution pour se défendre des frelons. Et on en vient au crade tant annoncé. Voilà, donc ça c'est une découverte qui a été faite très très récemment. C'est en fait les apiculteurs du Vietnam avaient observé que à l'entrée des ruches d'abeilles, il y avait souvent des petits morceaux de déjection qui étaient placés comme ça. C'était une sorte de mouchetage qui était là et on connaissait pas l'origine de ce truc-là. Et donc ils ont fait part de ça à plusieurs chercheurs qui ont essayé de comprendre l'origine de ces déjections. Et en fait, ils ont observé que les abeilles asiatiques allaient chercher des morceaux de bouse de buffle, qu'elles les découpaient avec leurs mandibules et qu'elles les ramenaient à l'entrée de la ruche pour les poser de façon très méticuleuse. Voilà. Et en fait, les chercheurs ont pu manipuler expérimentalement les ruches d'abeilles et ont essayé de comprendre, pour essayer de comprendre la fonction de tout ça. Et ils se sont rendu compte que lorsqu'il y a cette espèce de mouchetage qui est fait à l'entrée de la ruche, les frelons passent beaucoup moins de temps autour des ruches, et en particulier ils viennent beaucoup moins à l'entrée pour mâchouiller les entrées et pour les élargir pour pouvoir passer. Bref, en gros, les déjections de buffles repoussent les frelons géants. Et donc du coup, cette découverte, elle est, bon, il y a le côté un peu pipi caca rigolo, mais elle est paradoxalement plus importante que ce qu'on pense. Là, on comprend qu'en fait les abeilles sont capables à la fois de manipuler un matériau qui est autre que végétal, et d'une certaine façon elles se servent d'un outil. Ah mais complètement. En fait, c'est une découverte qui est assez chouette parce qu'on se rend compte que voilà, les abeilles à miel, c'est la première utilisation répertoriée d'un outil, donc ouais, d'une extension de leur corps avec un objet qui n'est pas juste pour l'alimentation. Et c'est une véritable guerre biologique, quoi, qui est faite entre les abeilles et les frelons. Donc il y a vraiment l'utilisation d'armes biochimiques. Et aussi, c'est d'autant plus intéressant que actuellement, les frelons géants sont en train d'envahir les États-Unis et ils menacent énormément les abeilles européennes, en fait, les abeilles à miel classiques. Et donc on se rend compte que, ben, comme ces abeilles européennes n'ont pas vécu en coévolution avec le frelon géant, elles ne connaissent pas toutes ces défenses-là. Et on vient de découvrir une méthode que, par exemple, les apiculteurs américains pourraient utiliser pour défendre les ruches. Oui, les abeilles à miel européennes auraient fort à apprendre finalement de leurs cousines asiatiques. Complètement. Et ça marche pour tous les frelons, cette technique-là de répulsion? Alors là, l'étude qui a été faite, elle s'intéresse au genre des Vespas, enfin les frelons géants Vespas aurore. Il me semble que c'est les mêmes qui envahissent les États-Unis, ou en tout cas c'est le même genre, c'est le genre des Vespas, donc a priori ça devrait fonctionner. À mon avis, il reste encore beaucoup à découvrir là-dessus. On suivra cette actualité. Olivier Lascar, une réaction. Léo, vous avez dit que c'est la première fois qu'on observait chez une abeille l'utilisation d'un outil. Est-ce qu'il y a quelques exemples que vous pouvez citer d'autres insectes qui emploient des brindilles de bois, des bouts de cailloux, je ne sais pas, mais des outils comme extension de leur corps? Ben, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'exemples chez les hyménoptères, par exemple les guêpes, etc. Elles fabriquent des nids littéralement avec des outils, c'est-à-dire qu'elles font du papier, elles le mâchent, ou les fourmis qui fabriquent des nids avec des brindilles. Donc ouais, on a tout un tas d'exemples. Là, c'est vraiment chez les abeilles à miel que c'est le premier exemple très clair. Après, il faut vraiment savoir qu'il y a un gros débat autour de la définition d'outil, parce que c'est quand même une définition assez vague, assez large, et puis on anthropomorphise pas mal l'idée de ok, c'est une extension du corps, mais à quel but? Donc je pense que là c'est vraiment faut attendre un petit peu avant que s'établisse un consensus autour de tout ça, quoi, et que du coup les chercheurs se disent ok, c'est bien un outil, on est tous d'accord. Alors on suivra évidemment cette actualité. Mathilde Fontaise, une courte réaction à ce premier amuse-bouche de Léo Grasset, si on peut dire. C'est la réaction de fascination. On voit bien qu'on est en train aujourd'hui de dévoiler une intelligence animale chez les insectes qui est tout à fait surprenante, et que c'est que le début de ces découvertes-là en termes de comportement et de personnalité. Je crois que ces études sont balbutiantes encore et vont sans doute révéler, surtout chez les insectes sociaux, des comportements, alors on anthropomorphise beaucoup, mais même peut-être des sentiments qui vont bouleverser notre vision à nous et qui vont nous remettre encore une fois dans le grand bain des animaux et pas si différents finalement, un peu plus proches qu'on ne le pensait, même des insectes en fait. Les insectes sont merveilleux. On passe tout de suite à votre deuxième mets de choix, Léo Grasset. On se dirige vers certains atolls du Pacifique qui ont un comportement bien étrange. Oui, alors là, c'est intéressant. C'est, en gros, il y a deux observations qui sont contradictoires en apparence. D'une part, on a la montée du niveau des océans à cause du réchauffement climatique. Donc ça, on connaît bien. On a gagné, les océans ont pris 20 cm d'altitude, si on peut dire, depuis le début du XXe siècle. Et ce phénomène est particulièrement important au niveau des tropiques. Donc on sait que, les îles coralliennes, par exemple, sont très, très menacées. Elles sont très peu hautes. Elles font 2 mètres, 3 mètres d'altitude en moyenne, donc c'est pas suffisant pour lutter contre la montée des océans. Et de l'autre côté, on a une autre observation qui est complètement contradictoire, très paradoxale, c'est que les îles coralliennes, les mesures des îles coralliennes, les mesures satellites et puis par photographie aérienne, montrent que les îles coralliennes prennent de la surface depuis les années 40, quoi. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de gain de surface? Eh ben, en fait, alors, il y a deux choses différentes. Donc, il y a, premièrement, sur plus de 700 îles étudiées, on a observé que 90% à peu près des îles étaient soit stables, soit en expansion. Et, deuxièmement, en termes de taille d'effet, il y a une île qui a été assez bien étudiée, là, dans les îles Marshall, c'est l'île de Jay, qui a gagné quasiment 15% de surface. C'est énorme. Oui. Ouais. Donc voilà, donc on a ce phénomène complètement étrange on a des îles coralliennes qui grandissent, quoi. Alors vous parliez de cette île de Jay. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle aujourd'hui comme d'une seule île, mais à l'origine, je crois qu'il y avait plusieurs îles. Voilà, c'est deux îles. En fait, c'est qu'il y avait deux îles très proches avec une sorte de petit canal au milieu, et ce canal s'est progressivement rempli, là, donc en 70 ans. Et ça a fini par former une grosse île, quoi. Alors la question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est pourquoi ces îles résistent à la montée des eaux et pourquoi même elles gagnent du terrain sur la mer? Alors il y a beaucoup de travaux qui sont lancés, hein, parce que finalement, cette découverte de l'expansion des îles coralliennes est quand même relativement récente, donc ça, il y a encore beaucoup d'études à faire dessus, mais il y a une étude qui est sortie là en novembre dernier, qui a montré, qui s'est attachée à essayer de comprendre d'où venaient ces sédiments. Et alors, pour essayer de comprendre d'où venaient les sédiments, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait de la datation au carbone 14 sur toutes ces petites particules qui sont d'origine organique, hein. Et ils se sont rendu compte que c'était des particules très récentes. Donc c'est des cadavres d'animaux, hein, du corail, quoi, qui a été formé très récemment et qui est mort récemment. Donc la conclusion, c'est que ces sédiments qui ont été déposés sur les îles et qui les ont fait grandir viennent des récifs coralliens tout autour. Et que, en fait, ce sont les récifs coralliens qui, de façon permanente, perpétuelle, fabriquent du sédiment et agrandissent les îles coralliennes. Donc là, on parle de corail, mais de corail sain, pas des coraux qui ont été endommagés. Voilà, donc en fait, c'est aussi le gros truc, hein, c'est que donc les coraux actuellement sont soumis à une énorme pression de notre part, d'une part parce que les températures des océans montent, l'acidification, etc., etc., on connaît tout ça. Et ces coraux qui pour l'instant font tenir ces îles et les font même grandir, s'ils viennent à disparaître, bah là, les îles seront en grand danger, quoi. Olivier Lascar. Alors, il y a quelquefois des actus qui font état d'îles qui surgissent des flots là où jadis il n'y avait rien, et c'est lié à des phénomènes volcaniques où le plancher océanique est poussé par ce qui se passe en dessous. Là, on n'est vraiment pas dans ce cas de figure. Il peut pas y avoir aussi c'est pas un marqueur du fait que l'écorce terrestre, la croûte océanique est un phénomène qui n'est pas est un milieu qui n'est pas inerte. Eh ben alors là, pour le cas de l'île de Jet, donc là l'étude elle s'est faite vraiment sur l'île de Jet dans les îles Marshalls, et a priori non, là c'est vraiment uniquement du dépôt de sédiments très classique, mais en fait il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres phénomènes effectivement comme de la subsidence ou des phénomènes volcaniques qui fonctionnent ailleurs. Et donc les chercheurs disaient vraiment, il faut étudier d'autres îles pour voir si c'est généralisable ou pas tout ça. Est-ce qu'on a une idée de la solidité de ce sédiment-là ? Est-ce que c'est un sédiment assez friable ou bien est-ce que ça va vite se consolider entre guillemets ? Bah, a priori, c'est exactement le même que celui qui a formé les îles au départ, hein. C'est vraiment de la biomasse morte, donc c'est des bouts de coraux, c'est des coquilles de mollusques, c'est tout ce qu'il y a d'habitude, donc a priori, il n'y a pas de raison que ça s'en aille plus rapidement que le reste. Mathilde Fontaise, une réaction à cette plutôt bonne nouvelle dans les atolls du Pacifique ? Oui, bah c'est quelque part assez renversant dans ces exemples-là de s'apercevoir que la géologie, la géophysique peut se jouer non pas à des échelles de temps de centaines de milliers d'années, et qu'on peut avoir des phénomènes comme ça très courts et qui modifient complètement la structure même de la Terre en fait de manière très rapide. Olivier Lascar, vos vacances dans les atolls sont garanties pour les décennies à venir, vous êtes ravis? Oui, je pense à effectivement tous ces milliardaires qui ont des petites coques sympathiques sur les îles, qui peuvent se frotter les mains. Non, mais c'est une bonne nouvelle collective, il faut savoir la saisir. Allez, on garde de la place et restez avec nous, on va continuer dans un instant notre banquet scientifique de fin d'année, ce sera tout de suite après la pause. Je suis Tiens, la scène musicale française encore et toujours dans la méthode scientifique sur France Culture. Vous écoutiez à l'instant Août approche de Baum. Et on poursuit notre festin des sciences avec nos chroniqueurs qui sont venus les bras chargés de cadeaux, après les abeilles qui se défendent avec des excréments et les coraux qui font sortir des îles dans le Pacifique. Vous nous arrivez avec d'autres histoires passionnantes, Mathilde Fontaise, et on commence avec votre premier cadeau sous le sapin tout de suite. Un beau sujet, comme le sont les couleurs des plumes irisées du paon ou des ailes de certains papillons. Des couleurs qui en réalité sont incroyablement complexes. Oui, des couleurs qui sont incroyablement complexes et qui sont en train d'être copiées par les ingénieurs. On est dans une histoire là de biomimétisme. Donc biomimétisme, c'est cette manière qu'ont les ingénieurs et les chercheurs de s'emparer des astuces de la nature. Alors c'est un peu galvaudé comme mot et on en a un peu marre d'entendre à chaque fois des exemples de cols qui vont s'inspirer des pattes du gecko et toutes sortes de choses. Et là, en creusant ce sujet-là, on s'est vraiment rendu compte qu'on était dans l'exemple emblématique. Donc le point de départ de tout ça, c'était dans les années 60. À partir des années 60, à la faveur des observations tout simplement au microscope, en fait, les chercheurs spécialistes, notamment des insectes, mais aussi les botanistes, se sont aperçus que la nature, l'évolution, avait été capable de produire des couleurs tout à fait différentes des couleurs qu'on connaît, c'est-à-dire des pigments. Donc c'est par exemple les ailes de papillon ou la carapace de certains scarabées. Toutes ces couleurs un peu irisées, en fait, ne sont pas simplement une absorption de certaines longueurs d'onde par un pigment, mais sont dues à la structure même de ces carapaces, la structure même de ces ailes de papillon. Et donc, en observant au microscope comme ça, les chercheurs ont pu se rendre compte que, par exemple, l'iridescence du papillon morpho, ce papillon bleu avec un bleu très, très, très, très lumineux, était due à la forme, en fait, à des motifs nanométriques qui sont dans les écailles et qui vont comme ça piéger la lumière et la modeler en exploitant des phénomènes physiques optiques tels que l'interférence, tels que la diffusion, etc. Et donc tout ça, tout ce savoir, en fait, s'est constitué, toutes ces observations éthologiques se sont accumulées. Et là, en fait, on en est au moment aujourd'hui où l'industrie s'en empare carrément, puisqu'entre-temps, il y a eu l'arrivée de techniques de fabrication de matériaux qui ont été déployés pour la microélectronique et qui ont permis de pouvoir remodeler, refaire ce type de structure à volonté et de donner maintenant naissance, en fait, à toute une nouvelle gamme de couleurs structurellement totalement différentes des pigments. Je le répète, il ne s'agit pas simplement d'une lumière qui arrive et qui est sélectionnée en quelque part par la taille d'une particule, mais cette lumière-là qui arrive, elle va être piégée dans une structure d'atomes ou dans une structure de molécules. Et ensuite, après, du coup, par exemple, par le phénomène d'interférence, être éteinte dans certaines directions et amplifiée dans d'autres. Ou par un phénomène de diffusion, être renvoyée dans toutes les directions de l'espace et du coup donner un effet très très mat, comme celui qu'on observe sur certaines carapaces de scarabées. Alors, les chercheurs qui s'intéressent à ce thème parlent, eux, tout simplement d'une prochaine révolution sensible et scientifique des couleurs. Alors, sur quoi reposerait cette révolution et pourquoi ce serait une révolution ? Alors c'est une révolution parce qu'il s'agit du coup d'augmenter complètement les gammes de couleurs. C'est-à-dire qu'on peut donner, du coup, grâce à ces structures de matériaux, naissance à des couleurs qui sont totalement différentes, inatteignables avec des pigments. En termes de luminosité, on a du coup le renforcement des ondes lumineuses à certains endroits, et donc on va avoir des couleurs qui vont avoir une luminosité presque surnaturelle. Enfin, quand on voit les ailes de papillon, on se représente bien, ou les plumes de paon dont vous parliez, on se représente bien à quel point ces couleurs sont étonnantes. Complexes. Oui. Complexe. Et en fait, il s'agit de reproduire ça avec des matériaux. Mais pour en faire en plus, parce qu'on arrive à un stade de maturité de cette technologie, donc ça reprend, je disais, les technos de la microélectronique, donc c'est le dépôt en phase vapeur, plus finement encore le dépôt atome par atome, ou alors même l'auto-assemblage, on fait croître des molécules dans de l'eau, en fait, des chaînes polymériques dont on contrôle la forme. Et après, on peut produire comme ça des matériaux qui vont avoir ces effets colorés qui sont totalement différents des effets qu'on peut avoir avec des pigments. Alors, ils ont un autre avantage qui est très intéressant pour notamment l'industrie de la peinture, c'est que ça nous permet aussi de de construire des couleurs en se passant de certains des produits qui sont jugés dangereux pour la santé ou qui peuvent être polluants, puisque là en fait on peut, en modelant la matière avec de la simple cellulose par exemple, en modelant une molécule, on peut réussir à la rendre en quelque sorte colorée sans avoir besoin de faire appel à des solvants organiques, etc. Et donc on arrive à des couleurs donc qui sont à la fois donc parfois plus vives, parfois plus mates, en tout cas un peu surnaturelles, et qui peuvent aussi être plus durables et qui peuvent aussi être plus écolo. Et donc là l'industrie est en train, on est au moment en fait où les démonstrations en labo ont été réalisées. Donc il y a beaucoup d'exemples et les artistes s'en sont déjà saisis pour pouvoir. Donc on a vraiment une palette de couleurs qui s'étend et c'est pas anodin que les artistes s'en soient saisis dans un premier temps, parce qu'on a vraiment la recherche voilà d'aller au-delà de simplement des couleurs pigmentaires et là on a une nouvelle dimension colorée qui s'ouvre et qui a été donc déjà exploitée par certains artistes et qui là est en train de rentrer dans l'industrie. Et donc on a trois domaines qui sont en train de s'emparer de ça. Les chercheurs, c'était amusant, nous disaient hein, on a des industriels qui viennent nous voir pour nous demander avec des images de papillons, etc., pour demander s'ils peuvent pas mettre au point un process pour reproduire cette couleur. Quoi. On en est là et donc il y a des peintures qui sont en développement parce qu'il y a un autre avantage pour la peinture, c'est qu'une peinture pigmentaire, au fil du temps, elle va chauffer et se dégrader. C'est pour ça que les peintures perdent un peu leur éclat au fil du temps. Une peinture structurelle ne va jamais se dégrader, en fait. Elle ne va pas chauffer à la lumière du soleil. Et donc, du coup, elle va rester vive. Enfin, en tout cas, elle va garder sa couleur pour toujours. Et donc, il y a déjà des peintures qui sont en développement, on va dire, pré-industriel. Il y a l'industrie du maquillage qui se saisit aussi de cette... De ces couleurs structurelles pour créer des fards iridescents et toutes sortes de maquillages qui vont être du coup plus lumineux, plus durables et plus écolo. Donc imagine bien, alors là on se heurte au secret industriel et on n'a pas encore voilà, mais on voit bien que ça bouge de ce côté-là. Et puis il y a un autre domaine, celui de la sécurité, qui est assez étonnant, c'est qu'en fait ces couleurs structurelles du coup peuvent, donc notamment par le fait que quand on va fabriquer une surface en fait qui va piéger la lumière et qui va la renvoyer dans différentes directions, et c'est ça le principe un peu de l'hologramme hein, et on le voit aussi pour le papillon morpho hein, c'est-à-dire que quand on regarde la surface et qu'on change de quand on la regarde sous différents angles, la lumière va changer en fait. Et cet effet-là, il est difficile à reproduire pour un faussaire, et donc ça pourrait être aussi une manière de rendre impossible la falsification de certains billets de banque. Voilà, exactement. Merci. Mais Mathilde Fontaise, en tout cas, juste une petite remarque, ne fermez surtout pas la fenêtre parce que le petit cri des mouettes derrière, ça nous fait voyager, c'est parfait pour nous qui sommes dans la grisaille parisienne ici. Vraiment, c'était sublime. Olivier Lascar, une petite réaction. J'ai cru que ça venait de la Seine qui est toute proche. oui, il y avait une voiture, il y avait une marque de luxe d'automobile allemande qui avait lancé il y a quelques mois un modèle de voiture peinte d'un noir si profond qu'il disait que ça donnait l'apparence d'un trou noir. Alors on peut s'interroger parce que du coup une voiture dont on voit pas les formes, c'est pas très bien, ouais. Compliqué. L'intérêt, non, ce que je trouve très intriguant avec le sujet dont vous parlez, Mathilde, c'est que là on est sur les couleurs en disant qu'il y a des nouvelles couleurs qui vont être à inventer, mais de l'autre côté du dispositif avec le matériel optique naturel dont on dispose, c'est-à-dire nos yeux, est-ce à dire que il y a dans les longueurs d'onde qui sont accessibles à nos yeux, est-ce qu'il y a des effets de marge qui vont être découverts, c'est-à-dire que jadis on ne pouvait pas voir des choses que demain avec ces nouvelles couleurs à inventer on va percevoir? Est-ce qu'on étend notre spectre à nous avec ces couleurs? Je crois pas. Je crois que l'évolution nous a façonné notre œil pour qu'il puisse réagir à la lumière du soleil dans ce panel de longueur d'onde. Mais par contre, c'est vrai que cet exemple du noir super mat ou du blanc dont vous parliez, c'est aussi l'une des autres applications potentielles des couleurs structurelles, notamment pour les panneaux solaires. Et c'est qu'en fait, on peut imaginer, et c'est déjà, je crois, en étude et en développement, que ces couleurs structurelles puissent permettre de mieux exploiter la lumière et de mieux la collecter. En fait, ce sont des surfaces qui, quelque part, donnent accès à une maîtrise totale de la lumière telle qu'elle peut être reçue et renvoyée par une surface, quoi. Léo Grasset, pardon Mathilde, on va devoir avancer. Donc Léo Grasset, il faudrait juste une courte réaction à ce sujet. Est-ce que ça vous plaît, vous, ces couleurs irisées et ce premier cadeau de Noël que nous offre Mathilde Fontaise? Ah bah complètement. Non mais je suis fasciné. J'avais aucune idée que ça se développait. Et pourtant j'ai travaillé un petit peu sur les couleurs cette année. Donc je suis fasciné. Vous suivrez tout ça, Mathilde Fontaise. Excusez-moi encore de vous avoir coupé la parole, mais on doit avancer malheureusement. La pendule tourne et on va passer tout de suite à votre deuxième cadeau. On parle cette fois d'un feu d'artifice un peu particulier. On parle de supernova noire. Oui, alors c'est un travail théorique qui a été mené par un chercheur américain qui s'appelle Matt Kaplan, et ce chercheur, qui est donc astrophysicien, s'est posé une question assez étonnante. Il s'est demandé qu'est-ce qui se passe après la mort d'une étoile. Donc il y a bien des manières pour une étoile de mourir, mais il s'est intéressé en particulier aux étoiles de type solaire, hein, entre 0,7 et 10 masses solaires, en fait, puisque là, on va dire le type d'étoile est déterminé par sa masse. Et en regardant ces étoiles, donc on connaissait le début de l'histoire, hein, une étoile, à la fin de sa vie, quand elle arrive à court de carburant, elle va se transformer en géante rouge, elle va grossir, puis ensuite elle va se contracter pour former une naine blanche, et puis ensuite sa fusion nucléaire va s'arrêter, et puis elle va rester comme ça, progressivement elle va se refroidir, elle va rester comme ça, naine blanche, pendant très très longtemps, jusqu'à finalement, quand elle sera totalement refroidie, devenir une naine noire. Donc ça, c'était l'état de l'art de la recherche, et puis bon, ce sont des échelles de temps qui sont déjà énormes, hein, et personne s'était vraiment posé la question de s'il pouvait se passer encore quelque chose après, s'il pouvait y avoir encore un événement qui allait se produire après. Et ce chercheur a fait tous les calculs, donc il a pris cette naine noire à la fin et il s'est demandé ce qu'elle devenait. Et en fait, il a trouvé une sorte de phénomène quantique à l'intérieur de cette naine noire. En fait, loin de rester complètement froide et inactive, elle réenclenche, au bout de très longtemps, une fusion spécifique qui se déclenche à partir de l'effet tunnel quantique. Hein. Vous savez, c'est cette manière qu'ont les particules de pouvoir traverser certains obstacles du fait des effets quantiques. Donc tout ce processus-là, en fait, il l'a décrit. Donc, et en fait, les atomes au cœur de cette naine noire vont recommencer à fusionner. Et donc il va y avoir une deuxième fusion, en quelque sorte, qui va se renclencher, qui va être une fusion beaucoup plus faible, hein, beaucoup moins intense que la fusion nucléaire des étoiles encore vivantes, mais qui va quand même, au fur et à mesure, faire réaugmenter en fait la pression à l'intérieur de l'étoile et re-enclencher un processus. Et donc ensuite, au bout de très très longtemps. Alors, combien de temps? Parce que ça, c'est un paramètre clé, mais il faut peut-être parler de ces échelles de temps dont on parle. C'est-à-dire que c'est au bout de... Alors, c'est impossible de se le représenter. On a essayé de faire des comparaisons, on n'y est pas parvenu. C'est 10 puissance 1100 années. C'est donc, il faut se rappeler que l'âge de l'univers actuellement, hein, c'est 13,8 milliards, c'est tout. Voilà. Là, on est donc des puissances 1000, c'est inimaginable. Et donc, en fait, Ça pose toute la question de la fin de l'univers aussi, et j'y reviendrai. Mais pour finir, donc, ce scénario qui a été développé par Matt Kaplan, cette fusion se relance, en quelque sorte, et ça redonne naissance à une seconde explosion. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la densité du cœur, du coup, réaugmente, et à partir du moment où elle atteint une densité énorme, hein, c'est 1200 tonnes par centimètre cube, cette fois, la gravité l'emporte et le cœur s'effondre de nouveau. Et de la même manière que ça se passe pour la géante rouge et la naine blanche, etc., bien avant, eh bien, tout se contracte et ensuite la surface de l'étoile rebondit sur ce cœur qui est en train de se contracter, et on a là ce qu'il a appelé du coup une supernova noire. Et à la fin de cette supernova noire, il reste un halo de poussière, de petits atomes qui se baladent dans l'univers, et là c'est bien la fin de tout, c'est bien le dernier événement quelque part qui va se passer dans l'univers tout à la fin. Et ça repose, oui, finalement la question de à quoi ressemblera cet univers dans 10 puissance 1100 années, ce qui est quand même extrêmement lointain. Oui, c'est ce qui nous a beaucoup intéressé aussi, c'est qu'en fait le chercheur a été obligé de faire des hypothèses, puisque le modèle cosmologique étant ce qu'il est, c'est-à-dire imparfait, et notamment à cause de cette énergie noire, hein, dont on ne connaît pas du tout l'origine, mais qui a tendance à accélérer l'expansion de l'univers, du coup on ne peut pas prédire le destin de l'univers, on ne peut pas dire actuellement si l'univers va continuer de s'étendre de manière de se refroidir et de s'étendre éternellement, ou s'il va finalement se recontracter, etc. Donc le chercheur a été obligé de voilà de comme ça de choisir des hypothèses et d'essayer de dresser un paysage dans lequel allait se dérouler ce dernier phénomène, cette dernière explosion stellaire. Et ça repose la question du coup de toutes les zones d'ombre de la cosmologie actuelle, puisqu'il a été obligé du coup de supposer que l'univers était en expansion éternelle. Il a été obligé aussi de supposer que les lois de la physique sont immuables. Les lois de la physique sont immuables. Et c'est vrai qu'on a, interrogé beaucoup de spécialistes à ce sujet parce qu'on voulait, quelque part, on voulait savoir si cette recherche servait à quelque chose, si elle allait ouvrir des champs de recherche. Alors, tous les chercheurs ont salué l'extrême précision et vraiment la nouveauté de ces travaux, hein, puisque personne ne s'était jamais posé la question. Et quant à l'intérêt de ces recherches, les chercheurs ont dit que ça rebrassait toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sur l'évolution de l'univers à long terme et que donc en ça c'était un travail un exercice intellectuel intéressant en tout cas avant d'avoir la réponse. Est-ce que Léo Grasset, vous êtes prêt à vous faire cryogéniser pour attendre ce feu d'artifice noir? Oui, carrément, mais à la fin de ma vie seulement. Ok, d'accord. Olivier Lascar, est-ce que cette supernova noire, vous seriez prêt à l'attendre à l'infini? Bah, disons, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, comme l'a dit Mathilde, de montrer les incertitudes qu'il y a dans tous ces scénarios de fin de vie de l'univers. Hein. Je crois que on parle de big freeze, de big crunch, de big rip. Enfin, c'est big bounce. Voilà, que des big quelque chose. Et j'allais dire, on n'a qu'à choisir. Ben non, justement, ce qui serait bien, c'est de pouvoir trancher à un moment donné. Et une étude comme celle dont tu as parlé, Mathilde, ça montre la difficulté de ce choix. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Et on termine ce banquet des sciences avec le traditionnel digestif. Et avec vous, Olivier Lascar, vous mettez des glaçons dans votre digestif. Bon, jusque-là, je vous jette pas complètement la pierre, mais alors vous les faites, ces glaçons, avec de l'eau chaude. Et oui, il faudrait que tout le monde fasse comme ça. Ça s'appelle l'effet Mpemba, ce dont on va parler maintenant. C'est complètement contre-intuitif, effectivement, Antoine. Hein. On a l'impression que quand on a des copains qui arrivent pour l'apéro, qu'on n'avait pas prévu le coup, on va mettre de l'eau bien glacée dans les bacs à glaçons pour faire dardard nos petits cubes. En fait, ça marche pas bien comme ça. Il vaut mieux utiliser de l'eau chaude. C'est un effet qui porte le nom de la personne, du scientifique, mais qui était alors tout jeune homme quand il l'a découvert, un Tanzanien, Erasto Mpemba. Et il a découvert ça. Il le raconte dans le premier papier scientifique qu'il publiera à ce propos en 1969. Il l'a découvert complètement fortuitement alors qu'il était lycéen. Alors pourquoi ce phénomène-là, qui paraît totalement contre-intuitif, est peut-être finalement réel, mais en même temps il fait clairement débat. Alors il fait complètement débat parce que depuis 69, je vais dire en un mot quand même comment ça s'est passé parce que c'est intriguant. Oui. Comment il en est arrivé à cette découverte? Je crois que c'était parce qu'il était un peu gourmand. C'était un trait qui était partagé par ses condisciples, puisqu'il raconte que la grande activité pour ce qui concernait les repas, c'était de se faire des crèmes glacées. Et il fallait mettre ces crèmes glacées au congélateur, mais évidemment, il était dans un établissement... Un internat. Était dans l'internat, donc il y avait beaucoup de monde à fréquenter le congélateur. Il fallait non pas se faire sa place au soleil, mais sa place dans le congélateur. Donc un jour, il arrive, il voit que un de ses camarades a mis dardard sa propre cuisine dans le congélo. Il reste une toute petite place, donc il décide de squeezer l'étape du refroidissement à température ambiante avant de le mettre au congélateur. Lui, il met directement au congélateur et quand il revient une heure et demie plus tard, il se rend compte que sa crème glacée à lui, elle a prise, elle est froide, alors que celle de son camarade qui lui avait grillé un peu la politesse, elle n'est pas encore prête, c'est bien fait pour lui. En tout cas, à ce moment-là, Erasto Mpemba, il pose la question à ses profs, il dit comment ça se fait qu'un liquide chaud ait pu congeler plus rapidement qu'un liquide froid. Les profs lui disent c'est pas possible, vous vous êtes trompé. Et puis finalement, à un moment donné, il trouve une oreille attentive en la personne de Denis Osborne, qui est professeur à l'université de Dar es Salaam, et ensemble, ils publient un article en 69. Et depuis ce premier papier, et bien effectivement, les physiciens et les chimistes se prennent le bec, bon, c'est beaucoup dire, mais enfin, discutent de la réalité de ce phénomène. Alors, quels sont les phénomènes invoqués pour expliquer ce phénomène de congélation plus rapide avec de l'eau chaude? Alors, depuis 69, effectivement, ça revient régulièrement. Si on en parle maintenant, c'est parce que à l'été dernier, il y a eu deux publications scientifiques à ce propos. Alors, l'une prétend carrément que ça n'existe pas, l'effet Mpemba. C'est quelque chose qui... Un biais, voilà, qui viendrait de la forme du bécher ou du récipient qu'on utiliserait. Et s'il a des aspérités particulières, ça faciliterait la transformation de l'eau du liquide en solide. D'autres, en revanche, disent effectivement, ça peut venir de différentes pistes et plusieurs ont été évoquées. Certains scientifiques, alors par exemple dans un papier de 2014 qu'on doit à Cheng Soon de l'Université de Singapour, et ben ce scientifique-là dit ça vient peut-être de la liaison hydrogène. Alors Antoine, vous savez, la liaison hydrogène, c'est celle qui se forme et se défait sans cesse entre les molécules d'eau et assure la cohésion du liquide. Cette liaison hydrogène, c'est la plus forte des liaisons faibles et c'est elle qui confère à l'eau quantité de ses caractéristiques exceptionnelles. Alors selon notre chercheur de Singapour, la liaison hydrogène, elle pourrait permettre à la molécule d'eau de stocker de l'énergie de façon atypique quand elle est chauffée et de la relâcher brusquement ensuite, ce qui pourrait provoquer ce refroidissement accéléré. Alors on évoque plein d'autres choses, la surfusion, des phénomènes physiques très complexes. Le plus simple finalement, ça reste pas de s'y prendre à l'avance pour faire ses glaçons ? Toujours s'y prendre en avance, vous avez la réaction de bon sens, Antoine. Le bon sens paysan qui me caractérise. Qui correspond à l'approche par laquelle on devait rentrer dans ce sujet. Mathilde Fontaise, une réaction rapide à ce phénomène-là. Est-ce que vous, vos glaçons, vous les faites à l'eau chaude ou à l'eau froide ? Alors, je l'ai fait à l'eau chaude, effectivement. Enfin, quand je suis pressée. Voilà. Mais ce qui me fascine le plus dans ce qu'a raconté Olivier Lascar, c'est vraiment la liaison hydrogène, hein, qui est un mystère absolu de la physique, qui entre en jeu dans toutes les réactions importantes, enfin, de nombreuses réactions importantes, et qui reste comme ça. Donc, enfin, sa puissance ne s'explique pas. Et on est toujours un peu étonné de voir la science se heurter comme ça à des phénomènes si sans trop. On a l'impression qu'il y a des bataillons de chercheurs qui, et c'est le cas, qui travaillent sur ce sujet depuis des dizaines et des dizaines d'années, et ça reste mystérieux. Olivier Lascar. Effectivement, à ce propos, il y a quelque chose aussi un peu de singulier qui vient de se passer. Alors, si l'effet Mpemba est un phénomène sur lequel on s'interroge depuis longtemps, alors j'ai oublié de dire que le papier que je cite, c'est un papier de Sylvie Redon-Clozard qui est à lire sur le site de Science et Avenir. Tout récemment, là, et dans le Science et Avenir qui vient de sortir, il y a un autre article sur cette nouvelle état qui pourrait exister sur l'eau liquide. C'est-à-dire que les molécules qui constituent l'eau liquide pourraient être positionnées les unes par rapport aux autres de deux façons différentes, en tout cas quand on va à très haute température et à très haut niveau de pression. Ça, c'est quelque chose de très singulier qui vient juste d'être formulé. Et qui illustre effectivement l'extraordinaire champ de recherche que constitue cet élément très commun qui est l'eau. Et on va partager ce lien sur notre fil Twitter. On peut passer à la suite avec vous, Olivier. Dites donc, vous nous gâtez vraiment. Après les glaçons à l'eau chaude, on passe à un autre sujet. On va le faire très très brièvement. Mais un sujet qui manquera pas d'animer nos repas de famille, nos repas de fête en famille, ce sont les cercles de fées. Alors, je vous gâte moyen parce que dans les deux cas, c'est des questions sans réponse. Voilà. Hein. On a vu qu'avec l'effet des glaçons, on n'arrivait pas à dire si c'était du lard ou du cochon. Là, il s'agit de ces formations très étranges qu'on appelle les cercles de fées. Les signes, on pense au film Signs de Night Shyamalan avec Mel Gibson qui lui faisait tourner la tête dans tous les sens. Voilà, Mel Gibson avant qu'il devienne fou, c'était très bien comme film. Et effectivement, ce sont des structures au sol circulaires. Alors on en voit rarement, enfin, il y a beaucoup de lieux où on peut voir des structures bizarroïdes au sol. Il y a des motifs hexagonaux en Bretagne, par exemple. Il y a ce qu'on appelle la savane zébrée en Afrique. Mais là, on parle de motifs circulaires, ce sont des ronds qui reviennent régulièrement au sol, et on voit ça en Namibie et en Australie. Et depuis toujours, finalement, les populations locales avaient construit des explications d'ordre surnaturel pour dire d'où ça venait. Des pas de dieux qui fouleraient le sol terrestre, évidemment les ovnis et compagnie. Mais depuis maintenant... une quinzaine d'années, depuis le début des années 2000, il y a des théories qui émergent. Et le problème de ces théories, c'est qu'elles étaient toutes monofactorielles. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les gens n'attribuaient qu'une seule cause. Voilà. Il y en a une dont on avait beaucoup parlé. C'était un scientifique qui disait ça vient des termites. Les termites creusent des galeries dans le sol qui empêchent les végétaux à la surface de s'alimenter correctement et donc ils meurent formant ces motifs circulaires. Alors du coup, là, ce qu'on découvre dans ce dont vous nous parlez aujourd'hui, Olivier, concernant ces fameux cygnes, c'est qu'il y aurait plusieurs facteurs, des facteurs physiques, des facteurs climatiques, des facteurs liés à la végétation également. Oui, c'est l'intérêt de ce nouveau papier qui justifie notre article dans le Science et l'Avenir qui est en kiosque actuellement. C'est une explication qui vient d'un scientifique allemand qui s'appelle Stefan Gadzin de l'université de... J'ai oublié l'université. Donc cette explication, elle est avant tout géologique. Mais elle repose sur la rareté de l'eau dans le bush australien, parce qu'il s'est intéressé déjà particulièrement au bush australien. Alors, le sol là-bas, il est desséché par le soleil, il est tellement encrouté que le peu d'eau, les faibles précipitations qui tombent dessus, échouent à pénétrer le sol. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est que l'eau va s'écouler plutôt latéralement plutôt qu'en profondeur, et en glissant comme ça sur les côtés, à certains moments, il rencontre des porosités et ainsi hydrater de proche en proche les graminées qui vivent quand même dans ces régions. Alors, résultat, on constate dans ces régions-là une humidité plus importante qui peuvent donner des plantes plus vivaces, mais uniquement à la périphérie des cercles de fées. Et cette présence, elle s'estompe au fur et à mesure que l'on s'éloigne de cette périphérie, ce qui aboutit finalement au global, quand on prend de distance et qu'on regarde ça de haut, à ces formations circulaires. Et on va partager à nouveau sur le fil Twitter cet article et on apprendra aussi, on peut pas malheureusement creuser un peu plus loin, mais on apprendra aussi que c'est pas éloigné des calculs d'Alan Turing. Oui, c'est fascinant, oui, qui s'intéressait aux motifs sur la robe des animaux, les zébrures, pourquoi les zébrures des zèbres sont telles qu'elles sont. Il avait établi des modèles mathématiques pour travailler là-dessus et ce sont ces mêmes modèles mathématiques que maintenant certains scientifiques utilisent pour regarder ces sols particuliers. Voilà, mais là il faut qu'on avance dans notre festin scientifique et comme je vous le promettais au début, vous êtes tous venus avec un bonus. Alors, puisque vous êtes là, Olivier Lascar, vous nous emmenez dans une grotte en Roumanie, particulièrement inhospitalière. Oui, c'est une grotte qui a été découverte en 86 pour des travaux de construction d'une centrale nucléaire. Ceaușescu, qui était le dictateur de la Roumanie, avait pointé au pif comme ça du doigt depuis un hélicoptère à un endroit. Du coup, ils avaient regardé et ils avaient trouvé, les scientifiques avaient trouvé une grotte qui avait était complètement isolé du reste du monde depuis plus de 5 millions d'années. Et on découvre à l'intérieur de cette grotte des conditions de vie qui sont absolument dantesques. C'est presque terrible. Aussi dantesques que les sources d'eau chaude au fond des océans ou un peu moins. Les sources hydrothermales. C'est comparable parce qu'il y a une pauvreté en oxygène terrible, une obscurité totale, une humidité, 100% d'humidité, des taux de soufre, de méthane, d'ammoniac, de dioxyde de carbone qui sont infernaux. Mm. Tant et si bien qu'on pensait que c'était un lieu qui ne permettait pas l'éclosion de la vie. Et ben, pourtant, contrairement à cette idée reçue, on y a découvert quantité d'espèces animales. Alors, c'est pas du Godzilla, hein, c'est des petites bêtes, hein, la plus grosse. Voilà, celle qui fait l'objet de ce sujet, c'est un mille-pattes qui fait 5 cm de long. Hein. Bon, mais si on aime les bébêtes à plein d'organes grouillants, on sera quand même content. Et ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques qui ont regardé ce mille-pattes, qui ont analysé son ADN, pour le comparer à l'espèce voisine qui vit, elle, à la surface, ont pu constater que c'était des animaux qui avaient évolué séparément il y a des millions d'années. Ce qui montre que une vie adaptée à cette grotte infernale y a effectivement surgi et s'y est effectivement adapté. C'est encore la preuve que la vie trouve son chemin, comme disait Jeff Goldblum. La leçon en forme de slogan de blockbuster pourrait être la suivante, c'est la vie qui est plus forte que les ténèbres. Solitude animale toujours, on continue avec vous Léo Grasset, avec une histoire qui m'a fendu le cœur, une histoire qui passe par le son. Attention, vous êtes prêts, tendez bien l'oreille, c'est parti. Alors, d'où nous vient ce son, Léo ? Alors ça, c'est le champ de la baleine 52 Hertz, comme elle a été appelée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce champ-là a été accéléré dizaines de fois, hein, pour que ce soit audible à notre oreille, parce que 52 Hertz, c'est un vrombissement, quoi, c'est un caisson de basse qui prend... voilà. Mais en fait, cette baleine de 52 Hertz est souvent surnommé l'individu le plus seul au monde. Donc on est dans le Pacifique Ouest, donc en gros entre les côtes de la Californie jusqu'à l'Alaska, jusqu'aux îles Aléoutiennes, il y a un individu, une baleine, qui, on le sait parce qu'il y a les balises sous-marines, les hydrophones sous-marins qui enregistrent un petit peu toute l'activité, on sait qu'il y a cet individu qui fait ses migrations, qui fait des appels, mais à qui on ne répond jamais. Et il est tout seul à discuter dans cette... Oui, c'est assez triste. Et il discute donc dans cette gamme de fréquences, c'est 52 Hertz, ce qui est beaucoup plus aigu que les autres baleines. Oui, bah, écoutez, bleues, par exemple, on peut écouter justement le son de la baleine bleue pour avoir une comparaison. Parfait. Voilà, donc on peut se rendre compte que effectivement la baleine 52 Hertz chante faux ou ne chante pas bien ou est enrouée. Pourquoi elle chante pas comme les autres? Alors on sait pas trop, parce que le truc avec cette baleine, c'est qu'on l'a jamais vue. Elle chante plus aiguë, mais pourquoi? Voilà, est-ce que c'est une difformité anatomique? Est-ce que c'est un hybride? Il y a certains chercheurs qui proposent que c'est sans doute un hybride entre une baleine bleue et une autre espèce. Voilà. Dans tous les cas, c'est assez intéressant, parce que donc cette baleine fait beaucoup parler d'elle. C'est sans doute l'individu le plus, enfin la baleine la plus célèbre au monde, tout en étant la plus seule aussi. Et elle a inspiré beaucoup d'artistes. Je mentionnerai Colin Stetson, qui est un grand saxophoniste, qui a quasiment dédié certaines compositions à cette baleine-là. Et alors, ce que je trouve intéressant, donc, c'est, il y a eu un documentaire qui a essayé de la retrouver. Ils ont pas réussi à la retrouver. Il devait sortir cette année. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand on connaît, en fait, la biologie des baleines, elles appellent, mais elles appellent pour une raison. C'est souvent pour trouver des partenaires sexuels. Donc, on se dit, cet individu-là appelle des gens. Désespérément. Mais désespéré. Et en fait, c'est peut-être aussi l'individu le plus seul, mais dans tous les cas, l'individu le plus affamé au monde. C'est aussi un individu qui survit. On est malheureusement tenu un peu par le temps, Mathilde Fontaise. On a quelques petites secondes pour que vous nous parliez de nos ancêtres préhistoriques qui préféraient vraisemblablement, alors ça c'est une hypothèse, le ragoût aux grillades. Oui, c'est une hypothèse qui a été jetée et qui est assez amusante. On sait à quel point on connaît l'importance de l'alimentation cuite dans l'évolution humaine, donc c'est pas un petit sujet. Et ces chercheurs-là ont lancé l'hypothèse en trouvant des restes de sources hydrothermales dans des sédiments très anciens, hein, et ils se sont demandé, mais oui, est-ce que les premiers hominidés finalement n'auraient pas pu commencer par le ragoût avant de faire griller la viande pour y tirer après un avantage dans la digestion et du coup un avantage évolutif. Donc c'est une idée lancée, il faudra vérifier. Ragoût ou grillade? Ragoût ou grillade dans les sources hydrothermales ou au feu de bois. Merci beaucoup à tous les trois, Léo Grasset, Mathilde Fontaise, Olivier Lascar, de nous avoir régalé de toutes ces découvertes. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très prochainement autour de la table ronde d'actualité du vendredi. Un immense merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, avec qui c'est un cadeau de travailler tous les jours. Alexandra Delbo, Noémie Naga de Saint-Vulfran, Céline Lozen, Natacha Triou, Tom Humdenstock, Eve Etienne, Olivier Bétard, Nicolas Martin, bien sûr. Et un merci tout particulier à un stagiaire de choc, François Malordi, qui nous aura épaulé avec précision, efficacité et humour au cours de ces derniers mois. François, merci. Un grand merci également à Hélène Trigueros, qui a réalisé l'émission toute cette semaine. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon. La semaine prochaine, la méthode scientifique fait relâche, mais la science reste à l'antenne sur France Culture. Vous retrouverez toute la semaine entre 16h et 17h la très belle série d'émissions Dernières Nouvelles de l'Univers par le regretté astrophysicien André Braïc. On vous donne rendez-vous le 4 janvier pour le retour de la méthode scientifique et de Nicolas Martin. D'ici là, restez curieux et passez de joyeuses fêtes.